إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 4 dans la lecture du livre Al-Madkhalu ila ilm al-fiqh. Al-Madkhalu ila ilm al-fiqh. Al-fiqh usuluhu wa masadiruhu wa mazayahu. Wal-madahib al-fiqhiyya al-arba'a. Ta'lif al-Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Hamoud Abal-Khayl. Donc on va lire ensemble donc ce livre qui est l'introduction à la science du fiqh. Et on est toujours dans le chapitre qui explique les références et les sources de la science du fiqh en islam. Et les sources du fiqh en islam sont de quatre. On a expliqué que la première source, c'est Al-Qur'an. La deuxième, c'est la Sunna. La troisième, c'est Al-Ijma', le consensus. Et la quatrième, c'est Al-Qiyas. C'est Al-Qiyas, c'est-à-dire un genre d'analogie. Et c'est basé, bien entendu, sur des principes et des règles du Coran et de la Sunna. On ne va pas détailler là-dessus, puisqu'on va l'expliquer en détail dans le cours qui suit. Donc aujourd'hui, on va expliquer à l'Ijma' qu'est-ce que c'est. Puis au prochain cours, on va expliquer Al-Qiyas en détail qu'est-ce que c'est aussi. À moins que... Bon, parce que le théâtre, c'est un petit peu plus long, donc on va le laisser pour un cours séparé. Donc, le Cheikh, il dit, « Al-Ithan al-Ijma' wa huwa attifaq wa ulama al-Asr min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala amrin min umur al-din. » Donc, la définition qui est mentionnée, et c'est une définition qu'on retrouve dans différents livres de Usul al-Fiqh, comme « Rawdat al-Nadir » de Abu Qudama, Ibn Qudama al-Maqdisi, et Irshad al-Fuhul, al-Shawkani, et al-Ihkam de al-Amidi, et d'autres livres également. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme définition? C'est que le consensus, qu'est-ce qu'on appelle le consensus? C'est al-Ijma' en arabe. Al-Ijma'. Donc, c'est al-Ittifaq, c'est-à-dire l'accord des ulama d'une époque, parmi les ulama de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à propos d'une chose qui fait partie des choses de la religion. Ou une affaire qui fait partie des affaires de la religion. Donc, le fait que des ulama de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à une époque spécifique, se mettent d'accord sur une chose, ça c'est ce qu'on appelle ijma', un consensus. Il dit, « Wa muqtada dhalika anna al-ijma' la yatahakaku illa bittifaq mujtahidi l'umma al-islamiyya. Amma ittifaqu ghayrihim fala yakunu ijma'an. كما أنه لا بد من اتفاق جميع المجتهدين بحيث لا يخالف أحد منهم. Donc il dit qu'est-ce que ça implique, c'est que le consensus ou l'ijma' il ne peut être réalisé ou se concrétiser excepté si tous les savants mujtahidin de la umma de l'islam se mettent d'accord sur une chose. Tandis que c'est-à-dire que si autre que les mujtahidin, c'est-à-dire les mujtahidin, quand on parle des mujtahidin, on parle des ulama qui ont atteint un certain degré dans la science et dans la compréhension de l'islam qui fait qu'ils sont aptes à faire des verdicts, à émettre des verdicts religieux. Dans le sens qu'ils peuvent, par exemple, faire des ijtihad ou faire des, donner des fatwa et extraire des textes, des verdicts religieux, parce qu'ils ont la connaissance et les outils nécessaires pour être capables de le faire. Et bien entendu, ça demande un niveau de connaissance assez approfondi et élevé. Donc, c'est pas n'importe qui peut être un mujtahid. Hein? Et parmi les exemples des grands mujtahidines de la Umma, hein, il y a bien entendu parmi les Sahaba, il y en avait certains d'entre eux, comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiallahu anhum, et d'autres également. Et aussi parmi les grands imams de la Umma, comme Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad et d'autres également, qui faisaient partie des grands ulama et qui étaient mujtahidines. Et donc, il dit qu'il faut que ce soit eux qui soient d'accord. C'est-à-dire que si par exemple, toi ou moi ou des frères comme ça, on se met d'accord sur quelque chose aujourd'hui, ça ne va pas être un ijma. Pour que ce soit un ijma, il faut que ce soit des savants mujtahidines, des grands ulama qui se mettent d'accord sur la chose. Si un individu parmi le commun des musulmans se met d'accord sur une question, ben ça ne veut pas dire que c'est un ijma, parce que bien entendu, des ulama peuvent être en désaccord avec nous ou bien avoir une opinion contraire à notre opinion. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un ijma. Donc, il dit, et en même temps, il faut qu'ils soient tous d'accord de façon à ce qu'aucun d'entre eux diverge. Il dit ensuite, ثم إنه لا إجماع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إن وافق رأيه رأي المجتهدين كان سنة وإن خالف رأيه رأيه وإن خالف رأيهم رأيه لم يكن من الشرع في شيء. Il dit également, il n'y a pas d'ijma pendant la vie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, parce que si leur opinion est en accord avec son opinion, hein, si l'opinion du messager sallallahu alayhi wa sallam est en accord avec l'opinion des mujtahidin, des savants à son époque, dans ce cas-là, ce sera considéré comme étant une sunna. Hein, on ne va pas dire que c'est un ijma, on va dire que c'est une sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si yani, leur opinion est en contradiction avec l'opinion du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, on va dire que ça n'a rien à voir avec la religion du tout. Non. Ensuite, il dit والإجماع إما أن يكون بإبداء الرأي صراحة ويسمى صريحا وإما أن يكون سكوتيا والسكوت يحصل فيما إذا أفتى أحد المجتهدين في مسألة وعرف بفتواه أو عرف وعرف بفتواه الباقون من أهل الاجتهاد في عصره. Hein? Donc, il y a deux formes d'ijma, hein, ou deux formes de consensus. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'ijma al-sarih, lorsque, par exemple, un mujtahid ou un alim, il va donner son opinion explicitement à propos de quelque chose, de façon explicite. Et il va exprimer cette opinion-là, et tous les savants sont d'accord, hein, yani sur cette opinion, et ils le disent clairement et explicitement qu'ils sont d'accord. Donc dans ce cas-là, l'ijma, elle est explicite et claire. Toutefois, il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle l'ijma al-sukuti. L'ijma al-sukuti, c'est-à-dire l'ijma silencieuse, et c'est-à-dire que cette ijma-là, elle arrive lorsque un parmi les mujtahidines donne une fatwa sur une question quelconque dans la religion, et qu'il est connu pour cette fatwa, les autres mujtahidounes, les autres savants et les gens d'ijtihad de son époque sont au courant de cette fatwa-là, et il n'y en a aucun d'entre eux qui critique ou qui condamne cette opinion ou cette fatwa. Dans ce cas-là, ce sera considéré comme étant une ijma silencieuse, du fait que personne n'a condamné ou critiqué ou réprimandé ou rejeté cette fatwa ou cette ijtihad. Donc on l'appelle dans ce cas-là l'ijma' sukuti. Il dit wal jumhur min al-ulama'i 'ala imkan tahaqquq al-ijma'i bal 'ala wujudihi wa wuqu'ihi fi'lan. فالامه مجمعه على وجوب الصلوات الخمس وسائر اركان الاسلام وقد اجمع الصحابه على اعطاء الجده السدس ميراثا واجمعوا على توريث الجد السدس عند عدم الاب مع وجود الابن وعلى تحريم شحم الخنزير وقتال مانع الزكاه. Donc on va traduire ce passage. Ici le cheikh il explique que la majorité des ulama ils considèrent que c'est quelque chose qui est possible et réalisable, c'est à dire que le consensus, l'ijma, c'est quelque chose de possible et de réalisable, et que c'est quelque chose qui existe effectivement et qui se produit et réellement, car la Ummah, elle s'est mise d'accord. Et quand on dit la Ummah s'est mise d'accord, on ne veut pas dire tous les individus qui composent la Ummah, mais on parle des grands ulama et des mujtahidin de la Ummah. Et donc, on dit, quand on dit la Ummah, c'est eux en fait. C'est de eux qu'on parle en particulier. Car ils se sont tous mis d'accord sur l'obligation des 5 prières par jour, par exemple. Il n'y a aucun savant qui diverge là-dessus. De même que sur les 5 piliers. Il reste des piliers de l'islam. Ils sont tous d'accord là-dessus. De même que les sahaba se sont tous mis d'accord sur le fait qu'on donne à la grand-mère un sixième de l'héritage. Et ils se sont également mis d'accord sur le fait de donner en héritage au grand-père un sixième lorsqu'il n'y a pas de père présent avec la présence du fils. Donc ça fait partie des exemples dans les cas d'héritage. Et il dit, ils se sont également mis d'accord sur l'interdiction de la graisse de porc. C'est pas seulement la chair du porc qui est interdite, mais également sa graisse. Et aussi, ils se sont mis tous d'accord sur le fait que les gens qui refusent de payer la zakat peuvent être combattus. Ils doivent être combattus. Donc ça c'est un exemple d'ijma qui s'est effectivement produit à l'époque des sahaba. Ça c'est des choses connues. Il dit وَقَدْ أَثَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْكَلَامَ حَوْلَ إِمْكَانَ الْإِجْمَاعِ مُعْتَرِضًا عَلَى إِمْكَانِهِ بِتَفَرُّقِ الْفُقَهَاءِ فِي الْبُلْدَانِ وَعَدَمِ التِّقَائِهِمْ وتعذر معرفة المجتهدين وعدم الاتفاق على تعيين من ينعقد بهم الإجماع ولم يرى الإجماع ممكنا إلا في وعليكم السلام الله إلا في أصول الفرائض والحق على الإجماع كان ممكنا في زمن الصحابة أما في عصر التابعين بعد تفرقهم في البلدان لم يكن الإجماع ميسورا بل متعذرا ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل يقول على الأمر الذي يدعى فيه الإجماع لا نعلم فيه خلافا. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Shafi'i il a ramené une question qui a fait que beaucoup de gens ont débattu sur la question de la possibilité de faire l'ijma, en objectant que, étant donné que les savants se sont divisés dans les différentes contrées et les différents pays, et qu'ils ne s'étaient pas tous rencontrés, que c'était quelque chose qui était difficile ou peu probable, puisqu'on ne connaît pas tous les mujtahidin, et que c'est difficile ou bien on ne peut pas tous se mettre d'accord pour désigner par qui ce consensus-là va être établi, du fait que qui est-ce qui est pris en considération dans l'ijma ou non. Et il considérait que c'était pas possible d'avoir une ijma excepté dans les bases de l'héritage, dans les questions de base de l'héritage. Mais il dit ensuite, le cheikh, que la vérité à ce sujet-là, c'est que c'est possible qu'il y ait eu un ijma, un consensus à l'époque des sahaba. Mais par contre, par la suite, à l'époque des tabi'in, une fois que plusieurs sahabes se sont divisés dans différentes régions de l'État à l'époque, puisque les territoires qui étaient dirigés par les musulmans étaient vastes, et que les sahabas s'étaient dispersés dans différentes régions de l'empire islamique à l'époque, et donc c'était quelque chose par la suite qui était devenu yani, peu facile, ou difficile, yani, presque impossible d'établir. Et donc c'est pour cette raison-là que l'imam Ahmad ibn Hanbal, il disait par exemple, il disait à propos de la chose qu'on prétendait à son sujet que c'était un consensus ou une ijma, il disait, au lieu de dire ijma, lui il disait pas ijma, il disait la na'lamu fihi khilafan, c'est-à-dire on connaît pas à ce sujet-là aucune divergence, c'est-à-dire on connaît pas de divergence sur ce sujet, hein? Et donc au lieu de dire il y a un ijma, il disait on connaît pas de divergence sur ce sujet, parce que en voulant dire, c'est possible qu'il y ait une divergence, mais on n'est pas au courant. Hein? Parce qu'on n'a pas rencontré tous les mujtahidin et tous les savants, et on n'a pas su vraiment est-ce qu'ils étaient tous d'accord ou non. Donc il disait, je ne connais pas de divergence à ce sujet-là. Hein? Et c'est, en même temps, c'est un genre de modestie aussi. Donc, plutôt un genre d'humilité. Hein, d'humilité. Donc il y a des notes de bas de page avec des discussions un peu plus détaillées sur la question, mais j'ai pas envie de lire tout ça parce que c'est un petit peu compliqué, puis c'est un petit peu détaillé, il rentre dans des discussions un peu trop approfondies pour notre niveau, donc c'est pas nécessaire de rentrer dans tout ça. On peut se limiter uniquement à qu'est-ce que le cheikh il a mentionné juste dans le texte. Il dit voilà, بد للإجماع من سند ودليل يستند إليه المجمعون على الحكم وهو إما كتاب كالإجماع على حرمة التزوج بالجدة فإن سنده قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وإما سنة مثل الإجماع على توريث الجدة الساد على توريث الجدة السدس فإنه استند إلى ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. Donc le cheikh il dit que lorsque il y a un ijma, un consensus, il faut absolument qu'il y ait une chaîne ou quelque chose qui une preuve vers laquelle cet ijma est attaché ou est relié. Et donc pour établir que les savants sont tous d'accord sur une chose, il doit y avoir un texte quelconque de la charia, un texte, soit par exemple un verset ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par exemple, dans le Coran, on dit qu'il y a un ijma sur le fait qu'il est interdit à quelqu'un d'épouser la grand-mère, hein, d'épouser sa grand-mère. Bon. Il y a un ijma là-dessus, il y a un consensus. Et la chaîne de ça, c'est rattaché à quoi? C'est rattaché au verset 23 dans Surat al-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit vos mères vous ont été interdites. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit d'épouser vos mères. Et la grand-mère, elle rentre dans les mères. Hein, fait partie des mères. De même que dans la Sunna, il y a un ijma, il y a un consensus sur le fait que la grand-mère, elle hérite du sixième de l'héritage. Et ça, c'est basé sur quelque chose qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith dans lequel il aurait donné à la grand-mère un sixième. Hein, un sixième de l'héritage. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Hein, dans les Sunan. Ensuite, il dit والإجماع مصدر أساسي من مصادر الفقه الإسلامي وقد لعب دورا مهما في التشريع الإسلامي وفي تغيير أحكامه بحسب الزمان والعادات والأحوال والأمكنة في القضايا التي لا نص عليها في الكتاب والسنة أو التي كان فيها النص مبهما أو قابلا للتأويل. ولذلك فإن الإجماع وسيلة صالحة للسير في الفقه في ميدان التطور في الحاضر والمستقبل. نعم، والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور. Donc il dit que l'إجماع c'est une référence fondamentale parmi les références et les ressources du fiqh de l'islam, et ça a joué un grand rôle important dans la législation islamique et dans le fait également de changer les règles selon l'époque, selon les traditions, selon les situations et selon les lieux. Et dans certaines questions dans lesquelles il n'y avait pas de texte spécifique dans le Coran et dans la Sunna, ou dans lesquelles il y avait un texte, mais que le texte était pas spécifique à une question très, ou pas très pas très explicite dans ce cas-là, ou bien un verset qui était équivoque ou un hadith équivoque, c'est-à-dire qui est ouvert à diverses interprétations. Alors dans ce cas-là, l'ijma est venu clarifier ou établir des choses plus claires, et c'est un bon moyen pour faire avancer le fiqh dans les domaines de l'évolution par rapport à le présent et l'avenir. Ensuite, il dit que l'ijma c'est une preuve tranchante dans l'islam selon l'opinion de la majorité des ulama. Hein, l'ijma c'est une opinion qui tranche, hein, et c'est une preuve dans la charia, et ça il n'y a pas de doute. Hein. Et il mentionne les preuves de l'ijma, c'est-à-dire il y a des preuves pour supporter que lorsque les sahaba étaient tous d'accord sur quelque chose, que c'est une preuve dans la charia. C'est-à-dire que lorsque les sahaba sont tous d'accord sur quelque chose, c'est pas permis par la suite à des gens de venir et contredire ce sur quoi ils ont été d'accord. Donc ça c'est une chose très importante, surtout par exemple à notre époque où il y a des gens qui essaient souvent de jouer avec la religion et de dire par exemple, comme par exemple ils essaient toujours de ramener des divergences dans toutes les questions. Chaque fois que tu dis quelque chose dans le fiqh, tu leur donnes une parole ou une position des ulama, puis ils disent « Ah, mais il y a une divergence là-dessus ». Alors que tu leur demandes qui a divergé, ils ne savent pas. Hein? Et c'est quoi la divergence, et c'est basé sur quoi la divergence, ils ne savent pas non plus. Alors que parfois, c'est des questions sur lesquelles il y a un ijma, il y a un consensus. Hein? Et même s'il n'y a pas toujours, même parfois il n'y a pas nécessairement un consensus sur une question, mais le fait qu'il y ait une divergence, ce n'est pas une preuve que c'est permis. Il y en a qui pensent qu'automatiquement qu'il y a une divergence, c'est-à-dire que tu peux prendre l'opinion que tu veux et faire ce que tu veux. Et ça, c'est une porte vers l'égarement. Parce que la personne qui se base sur la divergence pour se permettre de faire tout ce qu'elle veut, eh bien, ça, il n'y a pas de doute que cette personne-là, elle s'ouvre une porte vers l'égarement, parce que souvent, il y a des gens qui divergent sur des choses, même lorsqu'il n'y a pas de raison de diverger vraiment. Et lorsqu'il y a des preuves claires et explicites dans un sujet, eux, ils se permettent de diverger parce qu'ils veulent suivre leur passion, tu vois. Ensuite, le cheikh, il donne des preuves de l'ijma. Et parmi les preuves qu'il a mentionnées, il cite, par exemple, le verset 115 dans Surat al-Nisa. Et le verset 115 dans Surat al-Nisa qui dit... ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. C'est-à-dire que parmi les preuves qu'il faut suivre l'ijma, lorsque les sahaba sont d'accord sur une chose et qu'ils n'ont pas divergé sur quelque chose, dans ce cas-là c'est obligatoire de les suivre. Ça veut dire que ça c'est comme on dit, la voie des croyants. Sabilul mu'minin. Sabilul mu'minin, c'est l'ijma, hein, dans le verset. puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque fait scission avec le messager, se sépare avec le messager, après que la guidance lui a été clarifiée et il suit autre que les croyants. Dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala menace ceux qui font ça qu'il va les brûler en enfer. Il va les laisser se détourner comme ils se sont détournés, il va les brûler en enfer. Donc c'est pour dire que si tu fais scission avec le messager et que tu te sépares de la voie des croyants, la voie des croyants, c'est leur consensus. C'est quand ils sont tous d'accord sur quelque chose, puis toi tu viens, puis tu les contredis. Alors dans ce cas-là, tu es menacé de l'enfer et de l'égarement. Et donc ça, c'est une preuve. Il dit, il cite Al-Amidi, dans Al-Ahkam, qui dit « ووجه الاحتجاج بالآية أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين ولو لم يكن ذلك محرما ولو لم يكن ذلك محرما لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوعد كما لا يحسن التواعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح. Bon, il donne l'explication ici que le verset, c'est une menace de suivre autre que la voie des croyants. Et si ça n'avait pas été haram de suivre autre que la voie des croyants, eh bien, il n'aurait pas menacé. Il n'aurait pas menacé celui qui le fait. C'est-à-dire celui qui suit autre que la voie des croyants. Si ce n'était pas interdit, il n'aurait pas menacé ceux qui le font. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre l'interdiction de se séparer ou de faire scission du messager dans la menace avec le fait de se séparer de la voie des croyants, de ne pas suivre la voie des croyants, eh bien ça, c'est, ça montre qu'il y a une équivalence dans la menace entre les deux choses. C'est-à-dire que la menace de se séparer du messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle est mentionnée à égalité avec également le fait de ne pas suivre la voie des croyants. Donc les deux ont la même menace dans ce verset-là. Et c'est comme, il dit, sinon il n'y aurait pas une menace pour deux choses qui sont différentes. Par exemple, une menace par rapport à quelqu'un qui fait du kufr et quelqu'un qui mange du pain, puisque le pain c'est permis. Donc, en tout cas, c'est comme pour confirmer, pour éclairer la signification du verset. Après, le cheikh, il mentionne d'autres preuves de l'ijma'. Il dit, « قال صلى الله عليه وسلم, لا تجتمع أمتي على ضلالة, ولا تجتمع على خطأ. وفي لفظ, لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ. » Donc, ça, c'est des hadiths, différentes narrations du même hadith, et différentes versions qui confirment la signification. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma umma ne va jamais se mettre d'accord sur l'égarement. Ma umma ne va pas se mettre d'accord sur l'erreur. Et Allah ne laissera pas cette umma se mettre d'accord sur quelque chose qui est une erreur. Donc ça veut dire que c'est pas possible que tous les musulmans, tous les ulama de l'islam soient d'accord sur quelque chose si c'est de l'égarement ou si c'est de l'erreur. Et ensuite, et ça c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi dans Kitab al-Fitan. Et il est rapporté également par Ibn Majah dans son Sunan, aussi dans le chapitre al-Fitan, Kitab al-Fitan. Et il est rapporté également par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Et c'est un hadith qui est connu. Et les ulama le citent souvent pour établir qu'il y a l'ijma'. Et quand les ulama sont tous d'accord sur quelque chose, dans ce cas-là, ça fait partie de l'islam. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne peut pas contredire par la suite. Et le cheikh, il termine en disant, « قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ وَيُعْرَفُ الْإِجْمَعَ بِالْأَخْبَارِ وَالْمُشَافَهَةَ فإن الذين يعتبروا قولهم في الإجماع أو فإن الذين يعتبروا قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون وهم مشهورون معروفون فيمكن تعرف أقوالهم في الآفاق. Donc le Cheikh il explique Ibn Qudama dans son livre Ar-Rawdat al-Nadhir wa Junnat al-Munadhir, ça c'est un livre de Usul al-Fiqh, il explique dedans qu'on peut connaître l'ijma', on peut connaître le consensus par l'information et par la parole, le fait de la connaître verbalement, de qu'on nous dise verbalement, et la parole de ceux qui est pris en considération par rapport à l'ijma', par rapport au consensus, c'est les ulama mujtahidoun. Les ulama al-mujtahidoun, c'est les grands savants de la umma, les plus grands, les plus savants. Hein? Pas les petits imams ou les gens des imams de mosquée, des choses comme ça. Ça, c'est pas des mujtahidoun. Les mujtahidoun, c'est les grands ulama qui ont atteint un certain âge, un certain degré dans l'expérience et dans la compréhension de l'islam et qui ont réuni les outils nécessaires pour être capable d'extraire les verdicts des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, par exemple, il faut qu'ils connaissent, par exemple, le Coran. Il faut qu'ils connaissent une grande portion des hadiths par cœur. Et non seulement ça, ils doivent connaître le degré des hadiths. Est-ce que le hadith, il est daïf? Est-ce qu'il est sahih? Est-ce qu'il est hassan? Et ainsi de suite. Et donc, ils doivent connaître la science du hadith. Ils doivent avoir une connaissance très vaste de la grammaire, de la langue arabe. Hein? Ils doivent connaître également, avoir une connaissance profonde de, par exemple, la science qu'on appelle usul al-fiqh, et maîtriser les règles, les qawa'id al-fiqhiyya, et également connaître al-bala. Usul al-fiqh, c'est les règles fondamentales de la religion pour savoir comment extraire des textes, des verdicts religieux. Tu vois? Et ça, c'est une science en soi, tu vois. Faut être capable de comprendre, par exemple, la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment reconnaître l'interdiction, comment reconnaître quand quelque chose est recommandé, comment reconnaître quand quelque chose est détestable, comment reconnaître quand quelque chose est haram, comment reconnaître quand quelque chose est et haram ou obligatoire. Donc il y a des indices de ça dans les textes, et il faut connaître, pour arriver à connaître ça, il faut connaître la grammaire, il faut connaître la langue arabe, il faut connaître al-balagha, il faut connaître beaucoup de choses. Aussi tu dois connaître une certaine connaissance de la science du hadith, et avoir connaissance des règles. Il y a d'autres choses aussi à connaître par rapport à ça, comme par exemple s'il y a des textes qui sont en apparente contradiction, bien, comment savoir lesquels mettre au devant, hein, par rapport à cette divergence apparente, comment tu fais pour régler cette divergence, hein, et lequel placer devant, et ainsi de suite. Les règles qui ont rapport aussi avec les fatawas, et la personne qui pose les questions, et à qui on pose les questions, et comment répondre, et comment établir les fatawas, et ainsi de suite. C'est très très détaillé, puis il y a beaucoup de choses à comprendre et à connaître dans ces sciences-là. Il y a aussi les règles du fiqh, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que le mujtahid il doit connaître pour pouvoir faire l'ijtihad, et donc c'est seulement les ulama qui peuvent faire l'ijtihad, et ça on va en parler encore plus lorsqu'on va parler du qiyas, parce que l'ijtihad ça demande la connaissance aussi du qiyas, puisqu'il n'y a pas d'ijtihad dans des questions sur lesquelles il y a un texte clair et explicite. L'ijtihad en général c'est quand il n'y a pas de texte ni dans le Coran, ni dans la Sunna, un texte explicite à propos de quelque chose. Donc, en général, c'est à propos c'est lorsque, par exemple, tu veux savoir le verdict de l'islam à propos de quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant, et donc, il n'y a pas un verset dans le Coran qui en parle explicitement, ou un hadith qui en parle explicitement. Ouais, bah, comme tu dis, par exemple, l'exemple de la cigarette, les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne fumaient pas la cigarette, par exemple. Ou bien des choses récentes, nouvelles, qui sont apparues, qui n'existaient pas à l'époque, comment faire pour savoir si c'est permis ou interdit, ou des choses comme ça? Eh bien, les ulama, ils vont avoir recours au qiyas, à l'analogie. Donc, ça, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de texte. Sinon, si tu demandes à quelqu'un est-ce que l'alcool est haram ou halal, eh bien, il y a des versets clairs et explicites et des hadiths qui expliquent que l'alcool est haram. Et donc, tu ne peux pas faire l'ijtihad dans l'alcool pour le rendre halal. Tu comprends? Il y en a qui essaient de faire ça, malheureusement, mais bon, ça, c'est pas justifié, c'est pas permis de faire ça. Puisque il y a, dans les questions sur lesquelles il y a des textes, il y a des connaissances, il y a des choses explicites, on n'a pas le droit de faire des ijtihad là-dedans. Mais dans les choses dans lesquelles il n'y a pas de texte clair et explicite, là, c'est là que les ulama doivent émettre des jugements en se basant sur certaines règles, certains principes, et pour arriver à faire des analogies correctes pour faire un qiyas qui est valable et d'émettre un verdict qui va être juste. Et ça, on va en parler au prochain cours, Inch'Allah. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et juste aussi un petit point aussi que j'ai oublié de dire, c'est que l'ijma, il y a des livres qui ont été écrits par des savants dans lesquels ils ont énuméré différents ijma. Hein? Et donc c'est des livres qui ont été écrits par des savants. Et quand tu regardes dans ces livres-là, tu vas voir que les ulama, ils ont énuméré les choses sur lesquelles les ulama se sont mis d'accord. Donc ils vont dire par exemple, ajma'u ala kada wa kada, ajma'u ala, donc ils disent, ils sont mis d'accord sur telle chose, sont mis d'accord sur telle chose. Et tout le livre au complet, ça va dire, se sont mis d'accord sur telle chose, et les détails de ça. Donc ça, c'est des livres très pratiques pour connaître l'ijma', mais encore là, ça ne veut pas dire que toutes les mentions, toutes les choses qui sont mentionnées dans ces livres-là sont nécessairement exactes ou correctes à 100%. Mais disons qu'il y a une grande partie qui sont des bonnes. Ça peut être des livres qui peuvent beaucoup nous aider à connaître les questions dans lesquelles les ulama ils se sont mis d'accord. Donc c'est ça. On va s'arrêter ici. Puis on retrouve, Inch'Allah, pour ce cours-là la semaine prochaine avec plus de détails sur la question du qiyas, Inch'Allah. Ça signifie le consensus. Ouais, le consensus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.